C'est à qui ? C'est à moi. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Je voudrais 2 poireaux et 1 kilo de tomates, s'il vous plaît. Et est-ce que vous avez des poivrons ? Oui. J'en prends 2. Combien coûte une barquette de fraises ? 2 euros. J'en prends 1 et ce sera tout. Vous payez comment ? En espèces. Voilà. Merci. De rien. Au revoir.